Hein. N'écoute pas ce que les gens vont dire. J'ai brillé trop vite, maintenant ils veulent me nuire. Parfois j'en ai, parfois j'ai pas d'amis. Ça m'empêche pas de bien dormir la nuit. Hein. Les humains ça change et quand je suis déçu, c'est même plus la peine, faut zapper. J'ai tendu la main et au final c'est jusqu'au coude qui m'ont croqué. On a grandi, on gagne en maturité, tout ce qui peut par le temps pour les futilités. Bah ouais fils, moi j'ai fini de jouer, ce qui m'importe c'est les bénéfices. La rue m'a pris dans ses filets, j'ai vite bougé sans me retourner. Quand je suis pas là, bah ouais c'est plus pareil. Les pieds dans les affaires, jamais trahi un pote. Et vu que t'es le sang, ta porte c'est ma porte. J'avais 13 piges et je me répétais, fais tous les mecs d'accord, ouais ouais. On vit, on meurt, on rit, on pleure, on pense à demain. On zonait toute la nuit, finir en bas du bloc. C'est moi numéro 10, comme Zizou, je quitte le terrain. J'ai laissé mauvais souvenirs devant la porte. Je pars rentrer ce soir, solitaire, on dit que je suis mal luné. Cœur est épuisé, t'inquiète pas pour moi, ça va aller. L'automne est passé, l'hiver est passé, je suis fatigué. Maman ne pleure pas, je suis en débrouillard, ça va aller. J'ai pas peur de la solitude, j'en ai l'habitude. En toute honnêteté, si je suis seul, c'est que j'ai peur d'être déçu. Je me retrouve dans un 8 mètres carrés, j'étais pas préparé. La garde ave du dépôt aux arrivants, voilà que c'est pas carré. Tout ça, dis pas que je le mérite. L'amour ça fait mal, faut qu'on s'évite. La vida ça va trop vite. Bouteille de Jack, accident sur le péril. Je voulais pas la lune, je voulais changer de routine. Mais j'ai vite fini dans la rétine. Chérie, je t'aime. Le temps est compté, faut qu'on profite. J't'ai promis la bague à la mairie. On vit, on meurt, on rit, on pleure, on pense à demain. On zonait toute la nuit, finir en bas du bloc. C'est moi numéro 10, comme Zizou, j'quitte le terrain. J'ai laissé mauvais souvenirs devant la porte. Je pars rentrer ce soir, solitaire, on dit que je suis mal luné. Cœur est épuisé, t'inquiète pas pour moi, ça va aller. L'automne est passé, l'hiver est passé, je suis fatigué. Maman ne pleure pas, je suis en débrouillard, ça va aller. Hey, j'aimais trop la rue, mais ça en devient maladif. Nous deux, c'est pas pour l'infini, elle connaît toute ma vie. Malgré les soucis, je garde le sourire, on verra bien la suite. Je pars rentrer ce soir, solitaire, on dit que je suis mal luné. Cœur est épuisé, t'inquiète pas pour moi, ça va aller. L'automne est passé, l'hiver est passé, je suis fatigué. Maman ne pleure pas, je suis en débrouillard, ça va aller. Hey, j'aimais trop la rue, mais ça en devient maladif. Nous deux, c'est pas pour l'infini, elle connaît toute ma vie. Malgré les soucis, je garde le sourire, on verra bien la suite. Connaît toute ma vie, malgré soucis, je garde le sourire, on verra bien.